fogo. Thank you. de la rampe. Ça marche pas ce truc bas ça. Je sais pas, la basse. On m'entend pas ? Mais je sais pas, moi. Attends. La basse file. Oh, c'est trop fort là, non ? Pour la vache, je suis un peu déçu. Thank you. encore plus gros. Bon, moi je vais arrêter aussi. Et bien sûr, hein, Krilo. La batterie. Monsieur Krilo. Ah oui, là c'est. Ah, il fait partie des très bons, ouais. Allez, bonne nuit. (Musique)